épreuve d'amour. Quand la brise vagabonde, je lui chante pour ma blonde. Ma plus tendre ritournelle, qu'elle emporte sur son aile. C'est le vent qui dit à ma belle, la brise sera tout.